qui nous foutent le bordel à la place de Audrey. Et voilà, alors vous écoutez Pyongyang, City Rockers numéro 277. Et comme je disais hors antenne, mais déjà à l'antenne, grande Lidris, Audrey n'est pas là. Ah, drôle. Voilà. Ah, il fallait pas le dire. C'est Manu qui a dit la drôle. Je vais répéter ce que Manu a dit. Une grosse dice. Toi, faut venir au micro pour te défendre. Et donc l'équipe de restante des grands leaders va faire ce qu'il peut pour ce qu'elle peut pour c'est une équipe pour assurer le pestacle. C'est le pays. J'ai plein de trucs à balancer aujourd'hui. J'ai même deux blocs de 5 minutes passés. Et puis, puis il y aura du. T'as amené des groupes progressifs. Des Oui, progressistes même. Vous me connaissez, hein. J'ai des tendances. Pour l'instant, ma tendance, c'est 1978, Motordam, un gros classique. Puisque c'est la réunion de Damned avec le chanteur de Motorhead, Lemmy. Et puis, c'est tout. En plus, c'est une reprise. Je vous laisse la deviner, puis je la désannoncerai peut-être. C'est pour Manu qui avait un t-shirt Motorhead hier. Ouais, c'est vrai. Allez, on voit Joe. Pour tous les fans de Motorhead. De qui c'était une reprise de Sweet, vieux groupe glam. de l'époque, enfin glam variétoche. Hein. Merci Manu. Et c'est Manu qui a donné le nom. Hein, Manu donne toutes les infos ce soir. Il est fort. La drôle, sweet, voilà. Motorhead. Sweet drôle. Vivement la suite. Il n'est que 20h06 à l'antenne de Radio Campus Lille. Il s'en va, il se casse. Restez à l'écoute, c'est encore pendant c'est 54 bon. Minutes si vous voulez de plus. De, enfin, des histoires un peu plus gueule, croustillantes. Hein, viens, va t'asseoir avec nous, là. Bon. Ça va, Jérém? Ouais. Tu es là, tu as trouvé le ouais, chemin. Bah, oui, je vous propose, en dépit de tout ça, de passer tempo. À un groupe polonais qui vient de sortir. Pour Polsku. Son premier morceau après 2 ans et demi d'existence. Le morceau, il s'appelle Vojna. Vojna, la guerre. Et c'est lui qui parle polonais, hein, pas moi. Hein. Non. Et le groupe, il s'appelle Dépi, hein, en français, dans le texte. Tout de suite sur les ondes de Radio Campus. 106,6. Ben non, c'est. Il s'appelle Dépi. Il s'appelle Dépi avec un E. Ah, et est-ce qu'il sait? Quoi? Il sait? Yeah. On va aller. C'est du moderne punk hardcore. Enfin, c'était moderne dans les années, à la fin des années 90. Ils se disent Screamo. Ouais, Screamo punk hardcore. Non, je trouve pas forcément. Non, il s'escrime, oui, mais il ne scrime pas. Peut-être que t'as mal lu. Peut-être que le mec fait de l'escrime. Ah, ça y est, voilà. De l'escrime. Du sabre, je sais pas. Bon, vendredi à Boulogne, sa mère, à l'horloge, il y a chez Crazy Kids, pas Crazy Kids, Crazy Kids qui organise une soirée concert avec deux groupes de hardcore. Alors, il y a des locaux, False pour les nordistes, oui. et des parisiens, Youth Avoiders. Alors, si jamais vous n'avez jamais vu Youth Avoiders sur scène, et ben, c'est toujours le Zbeul. Mais j'ai jamais été déçu d'un concert de ce groupe, même quand il n'était pas toujours au plus haut de sa forme. Toute la disco, je la trouve délicieuse. Et que dire du dernier album en date, qui s'appelle Relentless, certainement une des grosses baffes qu'on s'est pris un peu tous, hein, en 2018, enfin ceux qui connaissent Youth Avoiders. Je vous ai sélectionné le morceau Street Violence, même si vous diffusez la discographie, même si vous diffusez la discographie complète, m'aurait pas dérangé. Allez, Youth Avoiders tout de suite dans ton PCR et vendredi dans ton horloge. C'est doit être la 10e fois que tu passes Street Violence de Youth Avoiders. Et Avoiders, je t'emmerde. Excellent. Il y a Cap dedans, ça devrait te plaire. On voit plutôt. Excellent, bah ouais. Franchement, excellent. C'est terrible. Terrible. Terrible. Je me fais aucun doute pour le Zbul qu'il va y avoir vendredi. Le Daras. À l'horloge. Le boxe. Je rappelle, concert organisé par Crazy Kids. Avec en première partie, c'est pas un groupe de Lille, hein, False. Non, si. Non, c'est Cambrai, voilà. Ouais. Les Cambrésiens de False. Des Cambrésiens qui vont aller à Boulogne. Et alors? Bah c'est bien, ils vont faire on est mobile en Nord-Pas-de-Calais, tu crois. Ils ont des voitures aussi dans le Cambrésis. Bah, c'est pas ça. Essence, mais des voitures. Ouais. C'est ça qui est bien. Bon, qui prend le relais là? Bah, c'est Val. C'est Val qui nous a préparé quelque chose. Ouais, moi j'ai un roman à vous raconter aujourd'hui. Bonjour la France. Alors, un peu d'exotisme, que diable. Oui. Donc, moi je voulais parler aujourd'hui d'une salle underground bruxelloise bien connue, le Magasin 4. Car ce mois de janvier, c'est le dernier mois d'activité du Magasin 4, en tout cas à son emplacement actuel. Et à cette occasion, sont organisées plusieurs closing parties, dont le programme est facilement trouvable en ligne. Car oui, à nouveau, le Magasin 4 est obligé de déménager, et je ne m'étendrai pas sur les raisons de ce déménagement, vu que ça m'énerve un petit peu. À cause d'une grande tour à côté, là. C'est à cause des voisins. C'est comme la dernière fois. J'en parle un petit peu après, mais sans m'énerver. Ça les emmerde. Ouais, voilà. Et donc, rapidement pour la petite histoire, le Magasin 4, ça a ouvert ses portes en 1994. J'insiste sur le 94, hein, pas 94. Ouais. On n'avait pas capté ton accent encore. Ah, excuse-moi, mais j'aurais fait un accent. Bon, imperturbable, je continue. Alors, donc ça a commencé en 1994 dans un entrepôt situé rue du Magasin numéro 4, dans le centre de Bruxelles. Oui, c'est original, je sais, mais bon, voilà, ça a gardé le nom. Oui, j'y étais. Et, oui, moi aussi. Ah, ouais, bah, c'est bien. Le même âge. Ouais. Oh, ta gueule. Et donc, justement, les vieux de la vieille se souviennent avec nostalgie et quelques cicatrices du super escalier en colimaçon, pas du tout glissant, qu'on devait emprunter pour accéder à la salle, ainsi que de l'énorme poteau en béton armé situé en plein milieu de la même salle, sur lequel se sont écrasés de nombreux crânes, dont le mien. Donc, ensuite, au début des années 2000... Je me souviens de mes potes, ça, tiens. Putain, c'était l'enfer, mais je me suis jamais Je me suis jamais cassé la gueule dans l'escalier. Mais Stéphane, quand il est en concert, à cette époque-là, il rampait, donc il se prenait jamais les trucs. Mais même, ce poteau, il était extrêmement dangereux, mais bon, voilà, ça faisait partie du truc. Et donc, au début des années 2000, le bâtiment est mis en vente, les bénévoles tentent de le racheter, mais le propriétaire décide d'en faire des lofts. Le Magasin 4 est devenu, entre-temps, un lieu réputé de la scène alternative bruxelloise, et les bénévoles de l'assaut font tellement de raffus médiatiques que la ville de Bruxelles leur propose un endroit de remplacement situé le long du canal. Ils investissent les lieux en 2008 et y resteront jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, le quartier change, les immeubles luxueux poussent aux alentours et la ville de Bruxelles décide de mettre un terme à l'occupation du bâtiment pour y construire un parc. Ouais, mais c'était déjà un peu le cas avec Tour et Taxi, c'était déjà la bobolisation déjà depuis quelques années. Pas au moment où ils sont arrivés, franchement. D'accord. C'était vraiment la zone, et voilà, gentrification, on en pense ce qu'on en veut, mais en tout cas c'est un fait. Donc la salle devrait être relocalisée pour de bon, cette fois enfin, parce que ça le mérite, dans un endroit spécialement construit pour des événements musicaux, ce qui est une bonne nouvelle évidemment d'un point de vue qualité acoustique, tout ça. Cependant, on espère que les travaux seront réalisés rapidement, car s'ils se déroulent au même rythme que la rénovation du palais de justice de Bruxelles, on peut espérer un magasin 4 pour environ 2040. Voilà. Ou alors la fabrication du métro de Bruxelles, c'est pas mal aussi. On va même pas en parler. Le surréalisme à la belge, je l'adore. Et donc, dans le contexte de ces soirées de clôture, je vous propose un morceau d'un groupe bruxellois qui jouera le 21 janvier. Il s'agit des Progerians. Mais selon leur rumeur, le nom du groupe change de Mighty Progerians en Fabulous Progerians, en Progerians tout court. En tout cas, pour le moment, ça s'appelle The Progerians. Cette géométrie variable, ils l'appliquent également à leur musique. Ils ont commencé en 2008 et initialement, c'était du pur garage. Leurs compos ont évolué pour en arriver à un mix hybride très punk rock et très stoner sludge à la fois. Là, je reprends le terme du chanteur que j'ai interviewé parce que je ne connais pas. Non, t'énerve pas. C'est super lent et lourd. Attends. Ouais, il y a de ça. Le groupe est aussi l'occasion d'expérimenter et de faire jouer plein de musicos autour du projet. Ils ont fait des featuring avec une trompette, des claviers, des invités à la gratte ou au chant. Ça va du surf au rap en passant par du doom. C'est un grand écart. Doom, ça va. Non, moi, le doom, ça va. Et donc, voilà, si vous voulez en écouter davantage, leurs splits EP et LP sont dispo sur Bandcamp, évidemment. Et on écoute à présent le morceau More des Progerians tout court. J'ai amené la technique. Non, mais ça a commencé, hein, en fait. Ah, d'accord. C'est le début qui commence. We'll be right back. Bon, c'est intéressant, c'est jamais long, voilà. Putain, mais on n'arrête pas les punchlines, hein. Putain, sérieux. Si, si, tu pourras revenir dans le Lidris. Oh, voilà. Merci, je suis honoré. Ah, en plus, ça, on lui a trouvé un nom. Ouais, bon, non. Valdimir Platine. Ah, oui. Grand Lidris, Valdimir Platine. Bon, à moi, un petit bloc pour quand même. Je pense que maintenant à peu près toute la planète est au courant qu'il y a deux groupes à San Francisco qui ont Rancide réussi et qui ont non, qui ont réussi l'exploit de jouer dans le métro et comme je, moi comme, je le savais pas. Comme nous l'avons écrit avec le flyer de d'annonce de cette émission de ce soir sur les réseaux sociaux. Si t'avais un compte sur un je l'ai même social, pas partagé te le sauront. Donc comme nous l'écrivons tout à l'heure, ils n'ont pas fait ça à la cool dans une station de métro comme ça peut se faire des fois, bref. Non, ils ont carrément pris une rame et pendant que la rame circulait avec des voyageurs normaux, pas punk dedans, mais aussi avec tout le public qui des se ramenait au fur et à mesure, des lambdas, mais les lambdas punk aussi rentraient au fur et à mesure et au trajet retour, en fait, ils ont balancé la sauce et ils jouaient donc uniquement pendant que la rame roulait, dès que les portes s'ouvraient à une station, ils arrêtaient, comme ça, c'est comme si on voit rien. Et après, ils repartaient. Ah ouais, comme ça, les gens qui rentrent, ils savent pas qu'il y a le sbeul après. Oui, et puis, surtout les autorités, tout ça, ils ont mis un petit moment à se rendre compte du manège. Et pendant ce temps-là, quand même, les deux groupes ont pu faire leur set presque complet. Bon, enfin, ils ont pu faire un set au moins de chacun de plusieurs morceaux. Moi, je dis, là, quand même, et électrifié, hein, c'était pas du unplugged, hein. Attention. Donc, t'imagines aussi comment, enfin, les moyens techniques derrière, même si maintenant tu as des batteries un peu légères, etc., des batteries électriques hein, un peu légères, etc., il fallait quand même ramener le matos et tout le bordel, quoi. Et puis pas se faire prendre. Je pense qu'à Lille, ça serait un peu compliqué de passer du matos. L'installation de la batterie. Ouais, mais l'autre, bon. il est pas très large, en fait. C'est la différence. Peut-être un jour, on fera une émission comme ça dans le métro, en direct avec les platines et tout. Bref. Donc, toujours est-il que, j'ai pas dit les noms des groupes, c'est ça. Surprise Privilege et False Flag. Le deuxième groupe, False Flag, c'est un groupe avec lequel on jouait Jodie Foster quand ils ont fait leur tournée triomphale dans l'Ouest américain. Et puis donc, voilà beau, quoi. L'Ouest américain. le dur loi de l'Ouest. Côte Ouest. Moi, je pensais plutôt au Coffre-Bois. les gens qui veulent en savoir plus sur cette histoire, déjà il y a une vidéo. Il va y avoir un DVD, c'est américain, il va y avoir un DVD qui va sortir. Il y a une vidéo qui a été partagée par au moins un zine français, Arak, il me semble, ou sur laquelle on voit pas mal de trucs. Enfin, on voit pas grand chose parce qu'en fait, t'as juste des tas de gens. C'est un métro, quoi. C'est un peu, ils sont beaucoup. Il y en a quand même qui ont réussi à faire du crof de surfing, du slam, comme on dit en France. En fait, tu te jettes sur la foule et puis tu vas, voilà. Youpi, dans le métro. Il faut quand même y arriver. Et puis sinon, il y a un article intéressant avec plein de photos sur le SF Gate, qui est un des journaux qui existe encore à San Francisco. SFGate.com, vous cherchez Punk et Bart, B-A-R-T, c'est le nom du métro là-bas. Et puis vous verrez, il y a l'article est quand même assez précis, il y a pas mal d'informations et de détails. Et puis ils ont réussi à interviewer les gens sur place. Et puis il y a plein de photos avec des tas de queues. Des Jones, en plus c'est des Jones, c'est bien quoi. Voilà, youpi, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la musique là qui passe? Voilà. En leur honneur, et puisque cette émission est dédiée ce soir à Surprise Privilege et False Flag, je vais vous passer un titre de chaque. Premièrement, Hear That Sound de Surprise Privilege, suivi de Ruined de False Flag, et puis ensuite, ceux qui avaient prédit tout ça dès 1982, des Allemands de Düsseldorf, Fasaga, qui nous faisaient Pogo in der Straßen Ban, Pogo dans le tramway, parce qu'à Düsseldorf, il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de U-Bahn. Voilà, c'est ça. Donc voilà, cette fois-ci, premièrement, Surprise Privilege, suivi de False Flag, suivi de Fasaga. On se retrouve dans 5 minutes 15, à peu près. A tout de suite. Don't hear that sound. Don't sell my soul. schädig war. An der nächsten Haltestelle sind die Türen nicht mehr da. Die Bahn wird völlig demoliert. Der Fahrer wird total blockiert. Wir haben schon wieder was ausgeheckt. Das Führerhaus in Brand gesteckt. Pogo Pogo macht kaputt, was vorher unbeschädigt war. An der nächsten Haltestelle sind die Türen nicht mehr da. Alle Leute auf der Flucht. Der Kontrolleur die Kasse sucht. Versager treiben schlechten Scherz. Mit anderen Leute ihren Schmerz. Pogo Pogo macht kaputt, was vorher unbeschädigt war. An der nächsten Haltestelle sind die Türen nicht mehr da. Und so wird in dieser Nacht die Bahn im Boden gleich gemacht. Und die Moral von der Geschichte erzähle ich euch natürlich nicht. Pogo Pogo macht kaputt, was vorher unbeschädigt war. An der nächsten Haltestelle sind die Türen nicht mehr da. Bon. Et voilà, le pogo dans le Straßenbahn. C'est ça. Tramway. Ouais. Quand tu pars pas loin. Pas très bien. Un bichon. Oh, voilà. Et il y a Ben Beng. Ouais. Allô, Biguette. Bonjour, Ben Beng. Ça va, Ben? Ça va. Alors, t'as encore des trucs à nous annoncer? Bah non, c'était pour illustrer simplement mes propos de la semaine dernière, donc... Ah. Il parle bien. T'as vu ? C'est beau. Bien éduqué. Il est bien habillé en plus. T'es fonctionnaire. Il a des notes en même temps. T'es fonctionnaire, toi, tu parles bien. Ah ouais, maintenant, ouais. Je suis un territorial, ouais. Donc ouais, bah, pour illustrer les soirées, donc... dimanche, à la Carboflip, ce concours de carbonade et de flipper. À Steinwerk ? À côté de Steinwerk, ouais, la Croix du Bac. Croix du Bac. Voilà, il y aura d'autres animations musicales, des flippers en libre service. Y a la carbonade en libre service ? En libre service, non, mais vient de bonne heure, comme ça tu peux toutes les goûter. Donc je pense qu'il doit y avoir une quinzaine de participants. Oh. Le après, rêve. Tu peux en commander une autre aussi, hein. Moi, c'est ce que je fais, oui. J'ai bien mangé. Et les seuls qui auront le droit de manger de la carbonade, c'est ceux qui arriveront à faire des fourchettes aussi sur les flips. Peut-être. Ouais. T'as jamais fait de fourchette sur un flipper? Non. C'est quoi une fourchette sur un flipper? Tu tapes les deux manettes très rapprochées, quoi. Comme ça, hop, ça te fait remonter la balle jusqu'au. Ça, c'est le passe en plein milieu, parce que quand tu tapes en même temps, les balles, les balles sont plus hautes, quoi. Le trou est plus large. Et ça dépend du flip. Et ça dépend du flip. Des fois, le trou est large, et des fois, le trou est. La dernière fois qu'on m'a dit ça. C'était tout niveau. Voilà. Bref, tu sais qu'on était en train de parler d'un carbon triple. Voilà. Donc, on est arrivé par. On leur a fait la meilleure assos, com, là. Le Car Podium, une asso lilloise qui font pas mal de choses, justement, autour du flipper et du vélo. association très sympathique. Ensuite, deux associations du coin. Et voilà, donc je vais vous présenter deux morceaux. Un de Bobby Bloom, donc Where Are You Going? Un morceau de 70. Donc c'est un oui. producteur et musicien américain, mort en février 74. Un petit peu bêtement, même très connement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nettoyait son arme et bam! Voilà. Et ça les fait rire. Et bah ouais, voilà. Donc j'étais renseigné un petit peu sur ce gars-là. Sur quelle partie avait explosé? Il a écrit pour pas mal d'autres personnes. Il était connu avec un titre, Montego Bay. J'ai été écouté, c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Là que j'ai voulu le passer. Allez, vas-y. Et donc un seul truc de lui, We're Going, de Bobby Bloom. Et ensuite, enchaîné, Jérém, tu seras faire ça, hein, bien sûr. Bah oui. En tant que grand technicien que tu es. Carrément, tu prends tes aises, là. Et ouais, ça y est. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai préparé. un autre morceau, vraiment, Sol Bougalou, Sol Party, d'ailleurs, ça s'appelle, de Billy Clark, saxophoniste ténor. Il n'a pas fait grand chose sous son nom. Il a surtout accompagné un gars, The Maxman, Herman BT. J'ai été écouter 2-3 trucs et ça, franchement, c'est bien. Là, c'est vraiment un son bien gras, c'est de cuivre. Voilà, c'est les sons que j'aime bien, les cuivres bien gras, de l'énergie à l'état pur et voilà. Bah, bonne écoute et puis on en discute tout à l'heure ou pas. Et on se retrouve à la Carboflip. Ouais, on se rendez-vous dimanche. Déjà dimanche, ouais. À la Carboflip. Bonne carbonade. Dimanche après-midi, venez jouer au flipper. Est-ce qu'ils font de la spicy carbonade? Ah ouais. Bah, ça par contre on peut se voir derrière. Et voilà, il est pas là pour désannoncer, donc Jérémy, on va te laisser désannoncer les titres. Ouais, du coup, on vient d'écouter Billy Clark avec The Masked Man, oh, oui. Avec leur morceau Soul Party, et juste avant, c'était We Are Going de je sais plus comment il s'appelle. Jean-Michel. Et donc, vous pourrez entendre ce genre de musique dimanche à la Carboflip à côté de Steinwerk. Et aussi à Croix-du-Bac. Et aussi, on va annoncer sa prochaine apparition scénique derrière les platines. Ce sera le 21 janvier au Locaria en compagnie de Grande Lidris, Beyond Setoun, aka Rudy Cat. Alors, ça sera pas au Locaria, mais au Musical. Local. Voilà. Après, ça sera au mois de mars, toujours avec Audrey. Mais en face du Locaria, la griffe. Voilà. Bon, bah, c'est tout. Voilà, merci. Voilà, bah, j'ai plus de promo, merci. C'était une page de publicité proposée par Pionguard Spire au cœur. Vas-y, moi je vais continuer avec la publicité. Ouais, vas-y, pub. Pub. Ouais. On va passer maintenant à deux groupes lyonnais qui vont se produire le 1er février au BNR de Gorin-Ramecroix, en périphérie de tournée en Belgique. Alors, ça sera la première orga pour l'association franco-belge Mawashi. Alors, je vais vous passer un morceau pour chacun des groupes. Beat and Bratz, c'est du punk rock 77 pour toutes celles et ceux qui kiffent le punk à la Ramones. Ils sont trois et on a déjà pu les voir dans The Scanners, les Barners, Clem Choice, Sonic Killers ou encore en mode solo. Et ça, Jérémy, je pense que tu le savais peut-être pas, mais le chanteur, c'est Théo Charaf. Ça parle pas si, le nom me parle. C'est toute cette scène de folk là. Oh là là. Ah bah ça y est. J'ai un trou. Moi, je pensais que j'ai un trou. Les Road Sweepers là. Ouais, dans ce c'était là, ouais. Bravo. Alors ils ont sorti leur album en 2019 sur Danger House. Et puis bah l'autre groupe de la soirée, ça sera Clem Choice. C'est un quatuor qui tape dans la hoï, le bover rock, voire même un peu de glam. On y retrouve même le même batteur que dans Beat and Bratz, mais il y a aussi des membres de Fléau, de Récidive ou encore Cran. Ils ont sorti un album fort remarqué chez Une Vie pour Rien en mai l'année dernière. Et puis ils ont déjà des nouveaux morceaux. Alors on se donne rendez-vous au BNR le 1er février pour écouter tout ça. En attendant, on va les écouter sur Radio Campus Lille 106,6. White Line, ce sera le morceau pour Beat and Bratz. Et pour Clem Choice, je vous propose le morceau Another State of Mind. C'est ça, hein. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Alors, du coup, ce sera Beat and Bratz avec le morceau Homicide. Ah merde, j'ai mis Homicide. Et Clem Choice avec We Won't Give In. Non, ça, c'est le nom de l'album. Mais c'est Another State of Mind. Non, mais si tu me mets pas les noms aussi, je peux pas trouver toutes les informations dans le titre. Mais c'est vrai que j'ai changé le morceau de Beat and Bratz à la fin, j'ai mis Homicide. C'est celui qui ouvre l'album. Tout de suite, un peu de mods. Et le 1er février au BNR à Gorin-Ramecroix en Belgique. qu'est-ce que c'est bien, Clem Chose, putain. Ouais. Alors, on vous donne rendez-vous. Tardu, hein, c'est bien. Rendez-vous le 1er février au BNR. C'est au 141 dame, Grand Route à Gorin-Ram, quoi. La dame, là, à côté, elle dit que c'est beaucoup mieux en live que. Encore mieux en live. Oui, ah oui. Mais déjà, studio. Oui, bien sûr. Ils en voient, quoi. Mais en live, ça envoie, mais ça envoie. C'est génial. C'est vraiment génial. Non, c'est vrai. Donc voilà, 1er février, vous gardez votre mercredi. Dans le groupe, à moi personnellement, je les ai vus trois fois et jamais à Lille. Hein, donc voilà, bien content de les avoir dans le coin. Et qu'est-ce qui organise ça déjà ? C'est Mawashi Skins, une asso franco-belge. Okay. Faudra venir. Et transfrontalière tout à l'heure. Il faudra venir au concert pour voir qui se cache derrière Mawashi. Ouais, ils seront aux entrées. Jérémy, qu'est-ce qui se cache dans la playlist après, ouais, après, moi, je vous ai prévu un groupe de filles de Boston qui font du pop-punk rock'n'roll à leur sauce. Comme elles disent, plus on est vieille, plus on est sage. C'est bon. Ah ouais. C'est pas pareil. Dans tous les pays, c'est pas pareil. Justement, moi, du haut de mes 58 ans, après, j'ai du 10 bits, donc ça va être sage. Voilà. Mais pour l'instant, vas-y, envoie ton pop-punk de bras. C'est des jeunes de ta génération, ça. Ouais. Pardon. On parle de noms, c'est pas bon, grave. On a essayé de faire un hors micro en parlant qu'avec des voyelles et des consonnes. Ouais, on se voit des lettres. Bon. Ouais, c'était pour nous préparer au crust. Au CRUST. C'est pas du crust, c'est du D-bit. Alors rendons-nous maintenant à Fallen. Ça s'écrit F-A-L-U-N, mais en suédois, ça se dit Fallen. Fallen. Voilà. C'est à peu près à 200 bornes au nord de Stockholm. Autant dire que là-bas, comme dans toute la Suède, il n'y a rien à faire. Est-ce que tu sais comment on dit Göteborg en suédois? Göteborg. Non, Göteborg. Göteborg. Il n'y a rien à faire au milieu des forêts et des lacs. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils boivent des bières et ils inventent le D-bit à la suédoise. Des bières chères. Ouais. Ça dépend. Si elle fait moins de 2,8 degrés, tu l'as dans les supermarchés. Mais c'est normaux. Pas de la bière, ça. Mais oui, mais eux, ils appellent ça de la bière. Et il y en a même qui titrent à 0,8. Ouf. T'as trois sortes de bières qui sont en vente libre. Et après ça, faut aller au système. T'achètes 5 bacs pour avoir une caramel, quoi. Bref, dans le cas de Open Grave, la tombe ouverte, eux ils l'ont pas inventé, mais ils le font persister dans son être, un petit être tout méchant qui crie. C'est le D-bit à la suédoise, et les voici maintenant avec un truc sorti en 2021, Cluster Bomb, Open Grave. Putain, c'est une nouvelle frustration ça. Ouais, c'est sorti il y a quelques heures là, juste avant de venir, j'ai même pas eu le temps de faire un texte, j'ai juste eu le temps de choper le morceau. Ça tombe, on est les premiers à le passer. Au cas où qu'on en a besoin, et ben au final, tu vois, ça passe en fin d'émission. Un morceau un peu plus punk que ce qui nous avait sorti ces derniers temps. Et à rappeler aussi que Frustration sera fin janvier au Black Lab. Si je dis pas de bêtises, c'est le 25 ou un truc comme ça. Le 27 janvier au Black Lab. C'est des merdes au Black Lab, hein. Vas-y, on voit. Voilà, voilà. C'est la fin de l'émission, là, les gars. Ouais. Déjà. Écoutez. 57. Le morceau de fin. Ah, c'est une reprise de Chaos UK. Ah, après le 10 bits, du 8 bits. Tu es très dans la bite ce soir, Stéphane. C'est quoi cette merde? Du 16 bits, peut-être. Je sais pas. T'en veux combien? Bon, sur ce, on vous souhaite une... de Chaos UK. Ouais, tout à fait. Donc c'est là-dessus qu'on va se quitter quand même. C'est fait par Harakiri Karaoke. C'est les gens de Bus Station Loonies. Quand ils ont le temps, bah ils font des petits trucs comme ça, des reprises à la con. Voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le 278e numéro de Pyongyang City Rockers. D'ici là, amusez-vous bien, écoutez plein d'émissions de radio, plein de musique. Et puis sinon, n'oubliez pas. À cap. Police detainment point being victimized. Police won't leave me alone. We're being victimized for wearing strange clothes. Down the cop shop all alone. Eventually they'll take you home. You'll learn the least brutality. It's a question of legality. It's just as you surmised. Now you're being victimized. You won't get no fucking face. You cannot trust the